It is what it is. What we're going to do now. We will have some background music now that will assist you. It is what it is. C'est l'endroit étrange et merveilleux où rien n'est comme ailleurs. It is what it is. With Laurent Garnier. A pure musical trip. What is the definition of a track? It is what it is. Please keep your attention. It is what it is. Chers auditeurs, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle émission de It is what it is. Au sommaire d'aujourd'hui, de la house tribal, de la soul, du broken beat, du jazz, de la pop. Et on va même rencontrer un pilote d'avion qui pilote même pas son avion. Comme d'habitude, les émissions se suivent, mais ne se ressemblent pas. We'll be right back. It Is What It Is. On vient d'écouter le morceau L'amour et la violence, signé de l'électron libre de la musique électronique française, Sébastien Tellier. Remixé, retravaillé et rebidouillé par le groupe Floating Points. Ça vient juste de sortir sur le label Lucky Number. It Is What It Is with Laurent Garnier. Allez, on n'a pas de temps à perdre. On va envoyer un petit peu la monnaie là. On écoute tout de suite The Killer Meters, sorti sur le label Rap and Soul. Où ça groove? Où ça groove ça? What it is, Laurent Garnier. Anything to declare? Yeah, don't go to England. Talent sound, the general sound, sexy girl them sound, all over town. Talent sound, the general sound, the sexy girl them sound, we don't love no clown. Most I will come, music for the people. She's like a land, she's like a land. Come alive, come alive, hey! Undercover cops are investigating the music. Why come tattoo them, why fi abuse it? How them a go stop the ghetto youths from use it? Righteousness, ghetto youths now refuse it. None of them can stop reggae music from play. That's what they say. It's straight righteousness along the way, hey! Them a watch the profile and a study me lyrics. She said them the file, oh, think me a gimmick. Message for the Thailand, can learn to just sing it. The righteous message, them no want me for bringing them. Where them they when me hungry and I suffer. Reggae music bring the bread and the butter. Politics and don't take the youths out the gutter. Don't want to hear Babylon come a utter cause. None of them can stop reggae music from play. That's what they say. Talent sound, the general sound every day. What me say? Undercover cops are investigate music. All of them are chat to them, want to abuse it. How them are going to stop talent sound them from use it? Righteousness, Switzerland, I refuse it. None of them can stop talent sound from play. Righteousness, we can give them every day. Laurent Garnier. Don't move. Kalonji, teach them and make them learn. Bless it and make fire burn. Righteousness, the whole of them are concerned. Every get a youth, see the table a turn. You read up, you take your turn. You run this as your own. Education, it's around this your town. Make them know this a talent sound. Man, I'm not blown. None of them can stop reggae music from play. This is talent sound. Righteousness every day. Them come a what the profile and a study the lyrics. They say them defile them on sitting be a gimmick. Message for the child, sizzler I sing it. Babylon don't want the rest of man bring it up. Il y a de la réverb là. Hein. Là, il y a de la réverb, moi je vous le dis. On est à mi-chemin entre le ghetto de Kingston et la musique techno-minimaliste allemande. C'est tout à fait normal. Ça a été signé par un groupe qui s'appelle Talen. Et en fin de compte, Talen, c'est deux producteurs suisses. Ils ne sont pas du tout de Kingston. Par contre, ils sont très très bien entourés sur le maxi qui vient juste de sortir. Sur le label Mouthwatering Records, il y a un track featuring Sizzla et un autre track featuring Cutty Ranks. Donc c'est un petit peu normal que ça sonne comme ça. Allez, on va changer de son un petit peu. On va écouter un petit peu de house. Moi, je nommerais ça spirituel. C'est le genre de mot que je vais marquer sur ce genre de disque quand je les achète. Le côté de Joe Clausel, grande balade avec plein de percussions. C'est un peu ça que j'appelle de la house spirituelle. Ça, c'est signé un artiste d'Istanbul. On casse tous les codes. Ce sont des Suisses qui font de la musique jamaïcaine et un Turc qui fait de la house à l'américaine. Moi, j'aime ça, le mélange. L'artiste s'appelle Orchun K. Je sais pas trop comment prononcer ça. En tout cas, si vous avez envie de savoir plus de choses sur lui, vous allez sur sa page MySpace. C'est très simple. Ça s'écrit O-R-C-H-U-N et plus loin K. Allez voir, allez écouter, il y a plein de choses à écouter sur son site. Le morceau s'appelle Confession of a Shiftless Prayer. Et c'est bien, ça vient juste de sortir cette semaine. We'll be right back. It is what it is. Le Move, Laurent Garnier. Avec nous derrière, donc en gros, non franchement hein, c'est vrai, il n'y a personne devant, enfin il y a un petit jeune qui doit avoir, il a quel âge? 22 ans, et c'était son premier décollage aujourd'hui, voilà. C'est ça, il vient d'avoir son brevet, et toi t'es le chef toi? Ouais. Toi t'as pas 22 ans hein? Non. Mais c'est toi qui vas atterrir? Non. Non, non plus, tu le laisses? Ouais. Tu fais combien de temps qu'il pilote lui? Un an. Oh ben ça va, c'est pas un bleu alors. Non. Hein, ça y est, il a quelques heures de vol. Comme voilà, il commence à avoir des heures de vol. Je me demande, c'est quoi la musique préférée d'un pilote d'avion? Le style de musique préféré d'un pilote d'avion? Tout. Moi, j'aime bien l'électronique. C'est vrai? Ouais. Ah, t'es un pilote braillé? Ouais. Donc toi, musique électronique? Ouais. Bon, je vais jouer ça. Je vais trouver un morceau de musique électronique. Merci, le pilote. It is what it is, Laurent Garnier dans le Move. Thank you. Retrouvez toute la playlist de l'émission sur le site www.pedrobroadcast.com. Et là-dessus, vous pouvez écouter les anciennes émissions et surtout voir la playlist de l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que vous nous écoutez en France, en Suisse, en Belgique et au Mali. make up your mind, you call me there. Take it out. Relax. It is what it is with Laurent Garnier. Je suis perdu au milieu de nulle part, là. Je suis dehors, il est 8h du matin. Et la neige tombe depuis 2 jours. C'est tout blanc, c'est absolument magnifique. Et très bizarrement, je pense à Lassa, la chanteuse Lassa, qui est décédée le 1er janvier, qui était quelqu'un que j'adorais particulièrement. J'aimais tout chez elle, sa musique, sa voix. Et voilà, je pense à elle. Et je me dis que c'est très triste qu'on n'écoutera plus de nouveaux albums de Lassa. Je pense que c'est peut-être bien d'en écouter un morceau maintenant. He venido al desierto para irme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ay. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. Le morceau El Desierto de la grande, la très très grande Lassa. Je sais pas quoi dire. Lassa, ça représentait beaucoup beaucoup de choses pour moi. Voilà, c'était une des artistes que j'aimais très fort. May she rest in peace. Allez, un petit truc pour se remonter le moral. Une production signée Bugs in the Attic. Un truc bien, bien, bien, bien funky de derrière les fagots. Tous les deux. Charles me montrait les plans de la nouvelle cabane qui vient de se faire construire à côté de Cannes. On causait bâtiment, madame. Bah, faut pas. Professeur l'a recommandé. Faut plus qu'il cause, Mario. De rien. Tu lui claques pas le beignet? Elle aimerait pas. Le Move, Laurent Garnier. Thank you. What It Is, Laurent Garnier dans le Move. It Is What It Is. Encore un morceau qui fait chaud au cœur. Produit par le Berlinois André Lodman. Le vinyle vient juste de sortir le 11 janvier. Et la version digitale va sortir le 25 janvier sur le label anglais Free Range Records. Le maxi sort sous le nom du Still Dreaming EP. De toute façon, avec le label Free Range, on peut quasiment tout acheter les yeux fermés. Normalement, c'est toujours de très bonne qualité. J'aime bien le fait qu'en ce moment, justement, la house est en train de beaucoup se mélanger avec la techno. Il n'y a plus trop de lignes qui les séparent. D'ailleurs, en ce moment, de toute façon, tout le monde se mélange. L'électronique va flirter avec le rock. Le rock sans l'électronique ne serait absolument pas où il en est aujourd'hui. On est dans la grande période du changement. Moi, je trouve tout ça très sain. Que les gens changent, que les mentalités bougent. Et que les grands détracteurs de cette musique-là aient changé de discours. J'en ai converti plus d'un. Et c'est pas fini, c'est pour ça qu'on fait de la radio. Tout de suite, Courtney Tidwell sur It Is What It Is. Voilà un bon mélange de pop et d'électro. Fears flowing, eyes closing, speed feeling, slow falling rain. Oslo. So the art is coming around. Over time I'm turning it down. Lost someplace. Oh, too late. Oslo. I saw l'émission du mélange, l'émission de ceux qui gardent la tête ouverte à d'autres horizons. Pour retrouver toutes les infos de la playlist de l'émission d'aujourd'hui, www.pedrobroadcast.com. Notre émission malheureusement touche à sa fin, il nous reste 6 petites minutes ensemble. On va terminer avec le titre Fresh Noodles de Mr. Scruff. Moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, sur la même fréquence, pour une prochaine émission de It Is What It Is. Pour ceux qui nous écoutent en Europe, je vous laisse avec ce morceau, ça va vous emmener un petit peu de soleil. Et pour les Maliens, vous avez déjà plein de soleil. Ça va être une très bonne façon de finir la journée. Allez, à bientôt, bye bye. It is. Toute la playlist dispo sur le move.com.